parezco yo en fanfest. Es para hacerme danser parce que les fanfest. Nana Junina, moi je veux que l'argent. Et je joue au sapop, je serai encore plus proche de mon clan. Nana Rokwapo, sur le terrain on est un collab. Si t'aimes le con, je veux pas être ton collègue. Lobby solitaire, pour la boisson ça collègue. Tu crois vraiment que je vais tout claquer chez collègue. C'est pas le fou nana, à plutôt que chez les pièces. Me prends pas au sérieux quand je glisse des pièces. Pas ça et que le sarcasme. Si elle préfère chez moi c'est parce qu'elle sait comme je la casse. Ça c'est sûr, c'est comment marche le processus. Voiture fantôme, c'est Pédésus. Igo, j'suis dans ma zone. J'pense au bénéf, au bénéf. J'ai trop dormi, trop mes heads. Amène le rally, ça presse. On vient vite pas roger. J'ai beau labo, j'ai ma suite, sans j'ai la beuh. Deux clients voulaient en prendre deux. Avec la sauce, pas dans deux. J'suis foulu comme pas fameux. Là j'me barre et ma fanée. Voulais être posé, calé. Falla monter, décalé. Buté en nuisette. Piégé dans une épuisette. Elle boit déjà cul sec. Qu'est-ce qu'elle ferait pour voir du zé. Buté en nuisette. Piégé dans une épuisette. Elle boit déjà cul sec. Qu'est-ce qu'elle ferait pour voir du zé.